Bon, vous le savez peut-être, mais je ne suis pas fan de Tom Pouce. Alors cette partie du challenge VHS me semblait plus difficile. Bon, un petit peu moins que Panda Dodu, mais quand même un peu. Par contre, j'aime beaucoup Mini Blunt et les jeux vidéo. Et forcément, pour un joueur de Dark Souls, le sous-titre Vive, Mourir, Recommencer me parle bien. Alors, armé d'une bière et d'un sandwich, je me suis lancé dans Edge of Tomorrow. Et très vite, l'acteur de poche meurt violemment. Petit plaisir. Et il meurt encore quelques fois avant que l'on rencontre Emily Blunt. Encore un petit plaisir. On commence aussi à cerner les enjeux de cette histoire d'invasion extraterrestre et de journée qui recommence. Et au-delà du plaisir des différentes morts violentes de Tom Cruise, je me retrouve pris dans cette intrigue plus maligne qu'elle n'en avait l'air et qui exploite merveilleusement bien son concept pourtant casse-gueule. Le gamer et le cinéphile que je suis sont comblés. Un peu comme si Halo et Un jour sans fin avaient eu un enfant illégitime, surdoué et un peu turbulent. Certaines scènes, comme le débarquement, sont à couper le souffle la première fois et deviennent une formalité avec les répétitions. Ce qui, loin d'être un défaut, serait carrément un exploit. J'y allais à reculons et j'ai eu tort.